Je me couche tard, coupable d'être moi, je suis capable et je m'égare. Regarde, horizon de la liberté. En prison, officier te refroidisse même l'été. J'étais sous pression, face à l'oppression. La vie dans le fond et les piliers qui s'effondrent. Fonce, fonce, dans la défense, danse, danse, dans la démence. Pense, pense, ta défense, pense, pense, sois défense. C'est le quotidien, tu viens, tu tiens, tire bien, tu tiens. Système matriculé vaurien. Le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'ai pas mille réveils à l'heure et je me réveille tantôt en plein milieu de la nuit. Comment être clair avant minuit? Comment vaincre l'ennui? Fini ce qui nie. Chaque feuille blanche est un nouveau combat. À la démence, voilà à quoi je me compare. Mélancolie perpétuelle, la vie est belle. Mais je peux plus, mes blessures ont un goût de sel et ne cicatrisent plus. Il me reste trop de chemin à parcourir. Plus les jours passent et plus je me sens mourir. Mélancolie perpétuelle, la vie est belle. Mais je peux plus, mes blessures ont un goût de sel et ne cicatrisent plus. Il me reste trop de chemin à parcourir. Plus les jours passent et plus je me sens mourir. Elle me quittera jamais, alors je vis avec. Ma vie dans le cendrier car je suis plus fin qu'une cigarette. Je souffre en continu, le malheur y contribue. J'ai pleuré avec abus sur ma putain de vie qu'un but. Mais qu'importe, si tu me demandes comment je me porte, je te dirai à bout de bras. La plume me démange et c'est la feuille que je gratte. Et je rappe car je n'ai que ça. Si c'est perpétuel, comment tu veux que je sois perdu pour elle? Mon cœur dans une poubelle parce que je m'énerve pour un rien. Je peux pas sortir de mon trou car je suis encore en train de le creuser. Franchement, prends-moi le bout et tu verras peut-être que je vais crever. J'ai pas la tête sur les épaules parce que je l'ai dans le cul. J'ai appris le mot déçu, je pète un boulon sans jamais trouver le bon tournevis. Le moral qui flanche toujours comme la tour de pise. En étour de piste, j'ai le cou qui se brise. Mélancolie perpétuelle, la vie est belle. Mais je peux plus, mes blessures ont un goût de sel et ne cicatrisent plus. Il me reste trop de chemin à parcourir. Plus les jours passent et plus je me sens mourir. Mélancolie perpétuelle, la vie est belle. Mais je peux plus, mes blessures ont un goût de sel et ne cicatrisent plus. Il me reste trop de chemin à parcourir. Plus les jours passent et plus je me sens mourir. Si tu entends ma voix par le biais de ce son, c'est que je vais mal. Mais de façon c'est fini, je passe à seconde mais je cale. Je dis encore une fois j'ai mal. Mon moral a été grièvement touché par balle. Ce soir je crois même que mon cœur s'emballe. Je ne peux pas dire je m'en bats car je suis tombé bien bas. Ne me demandez pas ce qui va pas, je me confie pas. J'ai confiance en personne, même pas en moi, même pas la peine. Je mange ma tristesse avec de la peine et de la haine. Personne ne peut m'aider, je serai seul à péder. J'ai pas comment vous dire, plus envie de sourire. Plus envie de courir derrière ces choses qui peuvent me nuire. En plus chacune de mes phrases est mal interprétée. Comment tu avances quand chaque personne te juge sur ce que tu as été? Je te regarde des fois, j'ai envie d'arrêter. Car il m'arrive de haïr cette vie qu'on m'a prêtée. Mélancolie perpétuelle, la vie est belle. Mais je peux plus, mes blessures ont un goût de sel et ne cicatrisent plus. Il me reste trop de chemin à parcourir. Plus les jours passent et plus je me sens mourir. Mélancolie perpétuelle, la vie est belle. Mais je peux plus, mes blessures ont un goût de sel et ne cicatrisent plus. Il me reste trop de chemin à parcourir. Plus les jours passent et plus je me sens mourir.